Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Radio Café, chronique française, une série d'Adrien Chevrier et Amélie Perrault, réalisée par Gaël Gillon. Au départ de cette série, il y a l'envie d'humer l'air du temps un an après le début du mouvement des Gilets jaunes. Instaurer des dialogues, tendre le micro, voire le poser sur le comptoir et poser cette question, jusque sur l'île de Groix, comment vivez-vous ? Alors pour commencer, les personnages, un homme et son livre, deux frères dans un café, des vacanciers, des pêcheurs, jeunes et vieux, une militaire et une tenancière de bar en retraite et un conservateur bretonnant. Ensuite le décor, la mer, des bateaux, une baie vitrée, l'Irlande, le danger, des réglementations, la petite pêche, des cornes de brume, des chaluts, un port et un embarcadère, des nœuds et une langue qui a eu chaud. Aujourd'hui, 3e épisode, on retourne la terre. Ouais, ça s'enfonce bien. La terre, elle est meuble. Il y a une racine. Peut-être. Il n'est pas très profond, il doit être à. J'avais dû le mettre à 50 cm. Ou... Ben, ça se trouve, il n'y aura plus rien. Hein. Avec l'eau de la pluie. On va voir quoi. J'aime bien partir le bonheur comme ça. Regarde le ciel déjà. Les étoiles. Il y a plein de cailloux là. Là, c'est les bouées des autres pêcheurs. Chacun met ses bouées avec son numéro. Là-bas, il y a une blanche encore là, dans le trou. À moi. Suite à en fait de nombreux refus d'éditeurs, j'avais décidé d'enterrer le texte et de passer à autre chose. Et puis finalement, j'ai envie de le reprendre. Alors je le déterre, mais c'est symboliquement quoi. J'ai fait graver une pierre tombale sur laquelle on peut lire les dates d'écriture du texte et le titre du livre. Quoi. Donc, à notre cher Apax, décembre 2016, mai 2017, regrets éternels. Le problème, c'est que si je ne retrouve pas le texte, ça va être compliqué pour me remettre au travail, quoi. Quand même. Même si c'est symbolique, tout ça, ça a son importance. Oh, le jour vient vite, quand même. Pas vite, mais... Île de Groix, vie en mer. Monsieur, vous avez été marin-pêcheur toute votre vie ? Bah, là, toute la famille, hein. Mon grand-père, il commandait les tonniers à voile. Et après, bon, il a embarqué ses 3 fils en même temps. Mon père, il y a un an qu'il avait 9 ans. Mon père avait 10 ans et l'autre frère est 11 ans. Ils sont partis. Il a embarqué tous les 3, ses 3 fils à cet âge-là. Après, il y a eu une tempête et la marine, l'administration maritime a interdit d'amener toutes les familles entières Parce que quelquefois il y avait quatre gamins avec dans un bateau. Et tout la famille s'en allait comme ça. Le bateau était perdu. Et donc après ils ont autorisé trois personnes de la même famille à bord d'un bateau. C'est déjà beaucoup. Et vous avez commencé à quel âge ? 15 ans et demi. Bah, à l'époque c'était ça, mon père fait les chalutiers aussi. Et... lui il n'a pas eu de chance, il a eu un accident au large de l'Irlande. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Après la guerre, il y avait plein de carcasses au fond de la mer, d'avions, de bateaux, de tout. Et dans le chalut, entré dans le fond, ils ont ramassé, comme beaucoup d'ailleurs, ils ont pêché une aile d'avion. Et comme le bateau roule avec le mauvais temps, il a ramassé ça dans son dos et il a eu un grave accident. Donc il est décédé. Moi j'avais 12 ans et j'ai fait ce métier quand même. Un peu pour lui aussi. Moi j'ai failli aller au fond aussi une fois, le bateau a chaviré. Et j'ai eu un gros accident aussi, mais là c'est mon bras. On a pêché beaucoup de poissons, une quarantaine de tonnes il y avait dans le chalut et le bout pour virer le chalut a cassé. Et je l'ai ramassé dans mon bras quoi. Mais il y a beaucoup d'accidents, mais c'est très dangereux. Mais bon, j'ai été soigné. Mais bon, j'ai quand même passé 48 heures dans le bateau d'Écosse en France. Je voulais pas aller là-bas. Là-bas, ils plâtrent et puis ils te ramènent en avion en France. Alors, c'est encore pire. Oh, ils coupent. Ils coupent les doigts et tout. Bon, je voulais pas ça. Je voulais. Et puis, j'ai bien fait parce que t'es en bonne santé. C'est bien réparé. Vous avez peur en mer parfois ? Non, jamais. Non, au début, oui, parce que c'est gamin un peu, mais après, tu dis, si t'as peur, tu fais pas ce métier. Fais autre chose. Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, dans ce métier ? Tout. Tout, parce que t'as des moments, c'est très très dur. J'en ai pleuré quand j'ai commencé. Après, t'as des bons moments, t'as des rigolades, t'as... Puis c'est un métier passionnant, parce que ça change tous les jours, on est au moins... C'est dur, mais on est à l'air libre. Et puis, il y a des bons, tellement des bons moments. Et... Bah, c'est un choix aussi. C'est... tout le monde ne fait pas marin, hein, ne peut pas faire marin. Il est là. Oh putain la vache. Oh. Aïe aïe aïe aïe aïe. Ah ouais d'accord. Waouh. C'est quoi ? Un énorme ver de terre. Qui était vraiment logé dans le. Bah dans le papier quoi. Il est énorme. C'est. Apax ressuscité en ver de terre quoi. Bon. Sinon, bah voilà quoi, le texte là il est dans un état, comment dire. Ah ouais, si, il est bien là. Hein. De quoi est-ce qu'il parle ce texte que vous avez enterré ? Eh bien, c'est l'histoire d'un fils qui, pour surmonter la mort de son père, invente un langage à usage unique. Invente une langue jetable en fait. Disons que pour surmonter la mort de son père, il est obligé d'inventer une langue spécifique à la mort du père, quoi. Donc c'est cette histoire-là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire apax ? Apax, c'est un mot grec. Ça vient du grec. Apax legomenon, ça veut dire qui n'est dit qu'une seule fois, dont il n'existe qu'une seule occurrence. Dans la Bible, par exemple, il y a des apax, ce sont des mots qui ne sont utilisés qu'une seule fois, qu'on ne trouve qu'une seule fois, qui ont d'ailleurs posé des problèmes importants de traduction. Et puis il y a l'apax existentiel aussi. Donc par exemple, perdre son père, c'est un apax existentiel, ou alors le premier amour. Ou tout ce qu'on ne fait qu'une seule fois, quoi. Et là, il y a les tracteurs, les paysans qui passent là, parce que c'est la saison de la fenaison. Là, ils sont en train de faire le foin. Et bientôt la moisson. Et voilà. C'est un métier qui vous a fatigué, et pour autant, à la retraite, vous continuez à aller pêcher tous les matins. Ah oui, c'est ma vie. Hein. Ma vie. Bon, déjà, le nord, là, j'ai arrêté. J'ai fait pendant 19 ans. Sur quel type de bateau vous travaillez? Les chalutiers, les gros chalutiers. À l'époque, il y avait à Lorient des 55 mètres, là, avec, on était 15-16 dessus. C'est des chalutiers industriels, quoi. On partait en Écosse, là. On va stopper le moteur, on est bien, là. Parce qu'on travaillait à l'époque sur les fonds de 500 mètres ou pas plus, quoi. C'est après que le poisson a disparu et on... Alors ça y est, il y a du poisson. Le poisson a disparu on est parti dans les plus grands fonds, quoi. Et après, j'ai fait en Irlande, c'est sur les bateaux de 33 mètres, là, on appelle ça des pinasses. Et j'ai fait un peu de tous les bateaux. Si tu te plais pas sur un, tu t'en vas, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Et il y avait beaucoup de place, quoi. Tu partais d'un autre, tu allais sur un autre. Et puis j'ai bien appris mon métier parce que j'ai navigué avec des grosillons, des sacrés bons marins. Et du coup, à 23 ans, je suis passé maître d'équipage. Et donc j'ai fini comme ça, tout le temps bosco sur les différents bateaux. Puis après j'en ai eu un peu marre, et puis voilà, à cause de la vie de famille aussi. Et puis ça a commencé à changer de... pas trop de mentalité, mais de conditionnement pour le poisson, tout ça. C'est-à-dire c'est devenu des plus grandes pêches. Ouais, c'est ça. Donc maintenant après... Après, moi, je me suis mis à mon compte. J'ai acheté un bateau à moi. Un bon maquereau. Pourquoi est-ce que vous êtes venu habiter à Groix ? Eh bien, en fait, j'ai habité dans les montagnes, dans les Cévennes, enfin en Lozère, sud de Lozère, dans la région des Grands Causses, depuis 4 ans. J'ai vécu là-bas 4 ans. Je travaillais de temps en temps dans les élevages de moutons comme ouvrier agricole. Et puis aussi, je passais pas mal de temps à écrire. Bon. Puis j'en ai eu marre des... C'était là-bas, il y a la nature sauvage, il y a très peu de gens qui habitent, donc j'ai fini par me sentir un peu isolé. Enfin, et puis j'ai eu envie d'air marin. J'avais jamais vécu au bord de la mer. L'idée de l'île, elle est venue très vite en fait. Comme je quittais un endroit très beau, qui était comme une île en fait, puisque c'était un causse environné de gorges. Et il y avait une mentalité un peu insulaire entre... Enfin, je ne pouvais pas aller dans un endroit moins beau, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, allons sur une île, découvrir aussi, voilà, comment la vie insulaire. Et puis... j'ai l'impression qu'il y a... Ah, on entend le bateau, là. Ici... Les sonneries du bateau donnent l'heure, en fait. C'est un peu comme le clocher d'une église, quoi. voilà la sortie du bateau qui arrive là tout juste sur l'embarcadère. Juste en face de l'embarcadère, le Mojo en fait. Et on a repris ça il y a 5 ans. Voilà, en famille, père et fils. Ce bistrot hôtel qui est un peu le café de la gare, mais gare maritime. Voilà, il va se remplir, il y a le bateau qui arrive là. Et là, tout d'un coup, il y aura 300 personnes qui vont débarquer et une bonne partie qui va s'arrêter au bistrot. Donc on vit beaucoup au rythme, il y a une espèce de phénomène de houle permanent sur le port qui est lié à l'arrivée au départ des bateaux et qui nous remplit le bistrot et le vide. Je sais pas, 8 fois par jour en été. 8 fois par jour en été et puis 4 fois l'hiver. Donc c'est un lieu c'est un lieu de passage de Groisillon puisqu'on est obligé de prendre le bateau pour aller à Lorient et de touristes. Avec qui, Robert ? On avec qui ? Un seul hôtel de ville, enfin je veux dire tout est. Un seul maire. D'accord, là, je te le souhaite. Vraiment. Je vais essayer d'enregistrer, mais ouais, tout. On a une maison qui donne sur la mer et on arrive devant notre maison par un espèce de virage à 90 degrés qui est assez. On voit rien quoi, et puis d'un coup on tombe sur ce paysage en face de notre maison qui est assez paradisiaque quoi, où t'as une vue mer super chouette et une maison allouée juste dans le même. Enfin sur le même tableau quoi. Et toute la journée, moi quand je bosse chez moi, les fenêtres ouvertes et tout l'été. C'est le traditionnel, la vue et tout, et puis regarde cette maison à louer, machin, enfin c'est t'as des routines comme ça, les gens sont en vacances et eux vivent ça une seule fois dans la journée, mais toi tu, les fenêtres ouvertes, tu le vis 15 fois avec des gens différents, quoi. À louer, pas mal. Oui, c'est là où je suis descendu. C'est là où je te disais la maison, mais là c'est là. Ouais. Avec la grande baie vitrée, t'as vu? Ouais. J'étais descendu jusqu'ici. Ouais. À louer, je t'avais dit à louer. Bah je vais regarder. À louer. Tu vas aller toucher le coco. Tu vas aller voir. C'est beau. Ouais, dis donc. Waouh, c'est magnifique. T'as vu ça à louer là? Ah ouais. Oh, c'est mini ça. Ouais. Ah, ouh. Sur mer comme ça. Ah, t'es bon. Hein, t'es bon. Oui, donc on disait qu'on était au Mojo. Un petit bistrot à Portudi, sympa. Et bon, on est une bande de copains là et on va raconter un peu l'histoire de chacun. Donc on est à Portudi, le port principal de Groix à marée haute ce soir où le courrier nous amène. C'est le port de départ et d'arrivée quand on part en vacances, qu'on part à un rendez-vous sur le continent, qu'on arrive, que nos familles arrivent, que les vacanciers arrivent. Nous pêcheurs, c'est là que nos bateaux sont, c'est là qu'on part travailler, c'est là qu'est notre matériel, c'est là qu'est notre poisson. Voilà, c'est un peu la plaque tournante de l'île. Des fois, tu y vas pas pendant longtemps parce que t'es rentré chez toi et que t'as pas grand chose à y faire, mais c'est le point de départ et d'arrivée des Groisillons. Et pour donner une idée, il y avait plusieurs centaines de personnes qui travaillaient à la pêche jusqu'avant la guerre, et aujourd'hui on est 5. Voilà, 5 petits bateaux de moins de 9 mètres. Avec un bonhomme sur chacun des bateaux. Dans tous les cas, la petite pêche a diminué partout au profit des gros armements, des grandes infrastructures de pêche, etc. Donc là, la pêche aujourd'hui est un peu le reflet de l'agriculture au niveau européen, au niveau français, avec des quotas, avec des grosses cultures monoproductrices, avec les conséquences que ça engendre pour l'environnement, bah, la pêche c'est pareil. Et les contraintes administratives et financières que peuvent se permettre d'éponger ces armements avec des cabinets administratifs qui font des dossiers pour les subventions, etc., sont pas à la portée spécialement de la petite pêche, et beaucoup de gens ont été découragés soit par la pénibilité du travail, soit par les contraintes qu'il y a autour. Oui, c'est bien parlé, bien sûr. C'est, comme dit Louis, aussi la pénibilité. C'est pas facile non plus tous les jours. Il y a l'entretien du moteur, il y a les frais, surtout les administratifs. Moi, quand j'avais le mien, là, c'était moins facile, c'était plus facile que maintenant, quoi. Ils rajoutent des taxes, des ci, des ça, des quotas, comme dit. Juste te donner un petit exemple, donc je suis tout seul à bord d'un bateau de 7,75 m. On m'oblige à avoir un radeau de sauvetage de 6, pour 6 personnes, et la révision annuelle coûte 700 euros. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est. C'est des petits trucs comme ça, c'est des gros trucs pour nous. Et des lignes comme ça, j'en ai quelques-unes, quoi. Oui, oui, parce que moi, quand j'ai commencé, on était à deux. Il y avait moyen de payer un matelot, largement. Maintenant, le matelot, après, bah, il est parti. Hein. C'est pas possible, tous les gars travaillent seuls. Parce que tu peux pas payer un gars. Ouais, le système t'encourage un peu. Moi, si je devais prendre un matelot aujourd'hui, bon, ben, faudrait mettre trois fois plus de matériel. On serait de 6h le matin à 10h le soir à tuer des trucs. Alors, enfin, voilà, bon, j'exagère peut-être un peu, mais ça ressemble un peu à une course à l'engraissement de producteurs de pétrole et de marchands de VMC, quoi. Ouais, il faut tout le temps du matériel plus performant, et puis ça coûte cher, le matériel aussi. C'est pas le tout de... Voilà. Est-ce que tu auras des soldes pour demain ? Non, pas de soldes demain. J'étais en relâche toute la semaine. Ah oui, c'est pour ça que c'était... Il vient de se marier. Yalla ! Je me suis marié samedi. Si j'avais été en mer dimanche, on m'aurait engueulé, tu comprends. C'est pour ça. J'ai pas couché. Comment s'est passé ce matin ? Pas terrible. Pas trop de poisson, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une pêche pas terrible ? Par exemple, aujourd'hui, vous aviez combien de filets, combien de casiers, comment ça marche ? C'est 1 km de filet à sol et même pas 10 kg de sol. Ça fait même pas une sole tous les 3 filets. Du coup, c'est pas brillant. Quand il fait très beau comme ça, des fois ça arrive. D'accord. Mais là, vous avez quand même des trucs, quoi. Vous n'arrivez pas à bredouille non plus, quoi. Pas bredouille, mais 2-3 merdouilles, on va dire. Une caisse de crabe et une demi-caisse de sol. Vous voulez te charger ? En fait, Loïc, vous n'avez pas toujours été marin, vous vous êtes reconverti récemment. Est-ce que tu veux qu'on la refasse ? Bon, vous n'avez pas toujours été marin, vous vous êtes reconverti, il y a combien de temps ? Pourquoi ? Comment ? Vous pouvez nous raconter ? Ouais, alors d'abord j'ai fait un petit peu d'études, mais que j'ai arrêté plutôt de bonne heure, à 21-22 ans. Et ensuite j'ai fait les saisons, j'ai bossé un petit peu en hôtellerie-restauration, en France, ici à Groix, à la Neige, en Irlande, aux Antilles. Et voilà, je me suis arrêté, il a fallu décider de faire quelque chose, donc je ne savais pas trop quoi faire. Et puis l'opportunité s'est présentée, il y a eu les infrastructures du port qui sont refaites à Neuf à Groix. Le père d'un pote qui était pêcheur qui prenait sa retraite, il y avait sa place au marché et au ponton qui devenait disponible. Wow, l'idée, j'aimais bien la pêche déjà avant. Voilà. Donc je suis parti pendant un an bosser sur différents bateaux à Lorient, à gauche, à droite, au casier, au chalut, au filet, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et puis voilà, il a fallu retourner à l'école aussi, 6 mois, passer un diplôme pour pouvoir commander les bateaux. Et puis voilà, j'en avais pendant un an, tous les jours, les bateaux à vendre. J'ai fini par en trouver un. Voilà, je suis allé le voir, le revoir, l'essayer, le bricoler. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Vous arrivez à gagner votre vie ? Ouais, je suis pas riche, mais j'estime que je gagne ma croûte à peu près correctement. En 2 ans, vous avez réussi à créer votre modèle qui vous permet d'en vivre, en tout cas. Ouais, c'est ça. En complément d'un potager à la maison, de quelques poules et d'un rythme de travail, tu vois, des petites journées de 8 heures, l'équilibre est là. Mais voilà, comme je te disais, en petite pêche, il suffit de pêcher entre 20 et 30 kilos de belles marchandises, hein, homard, bar, rouget, sole, 20 euros, ça fait déjà 600 euros. Si tu fais 500 jours dans l'année, ça fait 60 000. Tu dis que tu as quand même 20-25 000 euros de charges, et puis le reste c'est du salaire à se partager à deux. Donc c'est, voilà, ça rend pas riche, mais par contre ça permet de vivre heureux. On entend beaucoup parler de tout ce qui va mal, du coup les captures accidentelles de dauphins, la surpêche, la pénibilité du travail réellement, des fois des mecs mal payés, et c'est vrai que tous ces contre-arguments, on les retrouve souvent dans les mêmes gros armements. Là on parle de scène danoise, du coup c'est des nouveaux moyens de pêche un petit peu révolutionnaires qui permettent de pêcher une tonne, deux de rouget par jour, alors que ça avant on ne savait pas le faire. Du coup le rouget était rare, du coup il valait 20 euros, maintenant que c'est 1 tonne 2 par jour, c'est 7 euros. Du coup les petits pêcheurs qui mettent leurs poissons au crier, qui vendaient 15 ou 20 l'année dernière, ils vendent 7 cette année. Du coup ils vivent plus, du coup ils vont mettre la clé sous la porte bientôt, parce que vu qu'on pêche 1 tonne 2 par jour, bientôt des rougets il n'y en aura plus. Et puis après on passera à une autre espèce. Vous êtes né à Groix ? Oui, je suis né à Groix. Grandi et tout ? J'ai grandi à Groix, j'ai vécu 30 ans à Groix. Maintenant, je ne suis plus à Groix. Je viens, mes parents sont toujours là. Hein, mon père a 87 ans, un pêcheur. Ma mère, femme au foyer, elle a 81 ans. Et puis voilà. C'est votre père qui vous a formé ? Comment vous êtes formé ? C'est différent. Mon père a fait un peu le chalut quand... Et un peu l'Afrique comme ça, et puis il faisait la petite pêche avec mon père, quoi. Et après j'ai fait le pélagique, et là c'est la déception. Moi j'ai vu faire le pélagique sur les bars, un coup de chalut, 20 tonnes de bar, on a tout détruit. La pêche à la ligne avant, après les pélagiques, quand ils sont arrivés, quand on a fait le pélagique, ça a été les massacres. Je suis pas sûr de comprendre exactement comment ça fonctionne le pélagique. C'est deux bateaux. Ouais. C'est deux bateaux qui travaillent côte à côte et qui traînent derrière un énorme filet. Et ça détruit tout parce que ça défonce tout ce qui passe à l'intérieur est mort. Les marsouins, le thon, enfin, on travaille le thon. J'ai vu des massacres, des bons de marsouins pas possible être tués. Puis qu'ils allaient faire. Maintenant, il n'y a plus rien. Et donc, vous disiez que vous étiez formé. Alors, à 16 ans, vous êtes devenu marin-pêcheur ? Oui. Je suis né en professionnel à 16 ans. J'ai quitté l'école maritime d'Étel à 16 ans, et puis voilà. Et après, je suis parti chalutier. Et puis, adieu, vatre. Et vous avez arrêté à quel âge, alors ? À 55 ans. Est-ce que j'ai terminé chez Intermarché à 55 ans. Comme second, c'est les chalutiers. Et qu'est-ce que vous avez préféré, vous, le petit métier ou le grand ? Non, le petit métier, j'aimais bien. Mais bon, j'ai pas eu telle chance de prendre la succession de mon père, avec un peu de regret, certainement. Mais bon, j'aurais pas eu non plus les catégories que j'ai en retraite maintenant, en faisant le petit métier et avec le grand métier, quoi. Vous pêchez encore aujourd'hui ? Non, pas du tout. Ça fait 7 ans bientôt que je suis en retraite. J'ai 63 ans. Et vous n'avez pas un petit bateau ou quelque chose ? Non, rien. Rien. Je fais plus rien. Vous mangez du poisson ? Oh, bien sûr. Je mange du poisson. Je vais chercher au port de pêche avec les copains du poisson. Bien sûr, je mange du poisson. Ça serait un machin. Je bois, je mange. Tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous faites sinon alors de vos journées ? Rien. Rien ? Non, non, rien. Je viens voir les copains, je viens à Groix, j'habite Lorient. Je viens à Groix, je viens voir mes parents qui sont encore là, et puis je viens voir les potes, je fais un peu la teuf, je fais les barbecues, et puis je vais aller faire d'autres. Non, je sais pas, je le vois. Rien. Non, je suis pas venu là. Vas-y, toi. Vas-y. Bonjour, c'est la main comme ça. Bonjour. Donc c'est vous le chien noir? Ouais. Pourquoi on vous appelle comme ça? C'était le nom de mon bateau quand je faisais de la course au large et le nom m'est resté. Puis c'est un personnage dans l'île au trésor qui est pas mal. Et ouais, c'est quel personnage? C'est le premier que tu rencontres qui te file un papier dans la main et que t'as 8 heures à vivre. Merde, je me souviens pas, vous pouvez, vous pouvez pas nous raconter? Mais tu sais, quand tu recherches. C'est un des équipages de Flynn, quoi. C'est celui qui passe avant l'aveugle, là, qui cherche les autres. Et qu'est-ce que c'est alors le parc à bout et de qui elle est venue cette idée? C'est moi qui ai eu cette idée-là. À force de travailler sur les bateaux, je travaillais sur les grands multicoques, on avait des grands trampolines. Et on jouait beaucoup dessus, quoi. Et quand il y avait des gamins, c'était. On jouait beaucoup aussi avec les gamins. Donc après, moi, j'ai fait pour mes filles une énorme baleine pour essayer. Ça a super bien marché. Après, j'ai emmené ma baleine au Festival du Vent à Calvi. Là, ça marchait super bien avec les gamins, pareil. Puis à un moment, j'en ai eu marre de la course au large. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Puis ça a marché direct, quoi. Ce qui est fabriqué ici, où est-ce que ça part après? Ça va un peu partout. Pas mal en France. Après, on en a pas mal au Pays de Galles, en Angleterre, au Japon, en Corée, à Singapour. Là, on part sur les États-Unis. Enfin, voilà. Vous voulez qu'on rentre parce qu'il y a beaucoup de vent là et j'ai pas mal de vent dans le micro. Un petit café, non? Ouais, avec plaisir. Non, j'avais tout vous là, à peine même. Ouais, avec des fous qui chassaient. Ouais. Ah ouais, ouais, pas ça bouillait, hein. Il n'y a plus les dauphins autour. Et ça fait déjà. Moi, j'étais marin pêcheur, moi, et puis bah mon patron, enfin Cédric Chauveau, lui, il était dans le monde de la voile, il était préparateur. Ouais, c'est ça. Et moi, qui étais dans le domaine maritime, mais côté pêche, donc on se complète l'un à l'autre, quoi, niveau fabrication, plein de trucs. Donc en réalité, c'est des choses que vous saviez déjà un peu faire avant. Oui, mais moi, comme mon côté pêcheur. Dans mon côté pêcheur, c'est plus grossier, c'est du lourd qu'on appelle, mais et puis le patron qui envoyait un côté travail plus dans la finesse. Et donc voilà. Donc vous étiez pêcheur. Alors, après, je veux pas vous interrompre non plus, hein, si vous voulez continuer, mais vous étiez pêcheur et vous avez voulu arrêter. Pourquoi? Ben parce que j'ai eu un accident en mer, moi. Je suis à la retraite. Ils m'ont mis à la retraite, ils m'ont réformé. Donc du coup, moi je me suis dit, Cédric avait besoin d'un marin. Et puis quand je connaissais d'avant, il m'a proposé de venir travailler chez lui. Parce que du fait que je ne pouvais plus naviguer, donc du coup il fallait que je me reconvertisse. Il m'a donné cette opportunité de pouvoir me reconvertir avec lui. Et ça fait 10 ans que je suis avec. Enfin, il est arrivé à l'entreprise. Vous avez navigué pendant combien de temps? 21 ans. Est-ce que vous pourriez décrire le nœud que vous êtes en train de faire? Alors là, c'est des cabestans, en fait. C'est deux demi-clés vous fait un cabestan. Voilà. Ah, alors... comment vous diriez à quelqu'un qui n'a jamais vu un nœud de sa vie? Voilà, deux demi-clés inversés. Voilà. c'est encore pire, là. Après, nous, pour décrire tout... On le fait, mais c'est pas le décrire, en fait. Une demi-clé inversée. Ouais, deux demi-clés, voilà. Mais c'est quoi une clé, en fait? Ouais, c'est un tour mort. Ouais, c'est encore pire, non, mais vous êtes sérieux, là? C'est quoi une demi-clé? Bah, c'est un tour mort. L'arc là-bas, tu peux larguer là-bas. Il te reste quoi, Stéphanie, à faire là? Je dirais 3 balles, 12 balles. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre le fait de travailler ici et le fait de travailler sur un bateau? Ah, bah déjà, ça bouge moins, puis. Et puis, physiquement, c'est quand même beaucoup moins fatigant. Puis le soir, t'es chez toi. Et puis, oui. Et puis là, c'est jour et nuit, qu'il fasse beau temps ou pas. On a un 25 décembre ou un 1er de l'an, ou... Bah, c'est un lundi. À partir du moment où on est en mer, du bateau. À partir du moment où le bateau, il largue, il quitte le quai, jusqu'à ce qu'on revienne, et bah, c'est un lundi tout le temps. Il n'y a pas de jour férié. C'est jour et nuit, tous les 3 heures debout, voire même plus des fois. Et puis c'est comme ça, du début jusqu'à la fin. Et j'aime pas le lundi. Oui, j'aime pas le lundi. Et vous aussi, vous êtes une ancienne commandante? Non, je suis ancienne dans la marine. Non, moi je suis plutôt militaire dans la marine nationale. J'ai fait 2 ans. Après, j'ai eu des enfants. Donc j'ai maman pendant 10 ans. Quelques boulots par-ci par-là. Et en fait, j'ai su que le patron cherchait du monde à la couture. Et vu que je suis une petite fille de marin aussi, on va dire, donc je savais faire 2-3 nœuds. Donc je suis venu me voir, il m'a pris, il m'a donné un CDI. Et maintenant je travaille ici depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais, et je suis la seule femme à l'atelier, petite fierté pour ça. Et voilà. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la marine nationale? Maître chien, spécialité maître chien. Et pourquoi vous avez arrêté? Côté macho des gars, l'armée. Voilà. Non, c'est des gens. C'est des Grecs alors. Il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas ça ici, ouais. Ah ouais, ça fait plusieurs fois qu'on entend grec. Ça veut dire quoi? C'est des Grecs. Les Groisillons. C'est des Groisillons, ouais. Les Grecs. Et ça vient d'où? Pourquoi on dit ça? Alors, ça, c'est à cause de la cafetière avec les anciens, les tonniers. Donc, ils ramenaient toujours le café. Et notre. La cafetière, elle est en bec. Donc, ça fait. On appelle ça une Grecque, quoi. Ouais, c'était la marque. C'était la marque aussi, ouais. Une grande cafetière de Dédit. Voilà. Et du coup, c'était... les femmes faisaient le café et les hommes amenaient ça en mer. Et du coup, bah, c'était surtout les Groisillons qui avaient ça, donc on nous a appelé les Grecs. Quand la côte à la nuit tombée, on chante encore sur les violons. Chez Belève sur l'accordéon, c'est pas la bière qui te fait pleurer, c'est l'accordéon du vieux Joe. On voit le vieil air du matelot, tout des embruns au fond des yeux, et ça te reprend chaque fois qu'il pleut. Mon petit garçon, mets dans ta tête, y a les chansons qui font la fête, et crois-moi depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao. À la barbade, ça fait une paye que je me balade. Et le temps qui passe a fait au vieux une bordée de rides autour des yeux. Et y a le temps qui mouille au dehors, dans la voilure y a le vent du nord. Les yeux des filles belles à aimer, et la chanson qui fait pleurer. Et même si t'as pas navigué, t'as le droit de voir avec les autres. T'es quand même un frère de la côte, et t'as même le droit de la gueuler. Mon petit garçon, mets dans ta tête, y'a des chansons qui font la fête. Et crois-moi depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao à la Barbade. Ça fait une paye que je me balade, et le temps qui passe a fait au vieux une bordée de riz autour des yeux. C'est Michel Tonnerre. Oui, ben, qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'on est au Mojo, mais ici, avant, ce café a été marqué par des femmes aussi. Il y avait par exemple une femme qui s'appelait Sébastienne, et c'était marqué chez Sébastienne. Mais les femmes ont eu quand même une importance dans les cafés, puisque c'est elles qui tenaient les cafés. Avec, comment elle s'appelait, hein, Simone de Logmaria, Soso qu'on appelait. Oui, c'est ça, Soso. Le café du clocher. Café du clocher. C'est ça, oui. Ouais. Mais, oui. Pas loin de l'église. Ah si, exactement. On a fait la fête là-dedans aussi. Il y avait combien de bars et de bistrots à l'époque? Ouais, au maximum pas. De l'activité tonnière peut-être. Je sais qu'à Dogmaria, il devait y en avoir un dans chaque rue, à peu près. y a la bière, t'as du whisky, t'as tout ce qu'il faut au co. Ah c'est gentil, mais il est vraiment trop tôt, là. Oh, bah... Trop tôt, co. Vous buvez dès 3h10. Oh, non. Non, si, mais du café. Eh, on est des Grecs, j'ai 81 ans, co. Alors, tu penses que moi, mon café, tu... je regarde la télévision jusqu'à 2h du matin, des fois. Hein? Et je descends boire un grand bol de café et manger du pain et du lard. Et alors, on entend beaucoup dire co par ici. Qu'est-ce que ça veut dire co? C'est une parole gentille des temps des anciens, de mes grands-parents arrière, co. Alors, par exemple, je dis, viens ici, co. C'est une parole de tendresse à un enfant. Si je dis co à mon mari, je disais, puisque malheureusement, il est mort, c'était une parole d'amour. Moi, je dis ça à tout le monde parce que j'ai toujours vécu dans les cafés. Assoyez-vous, hein, bon sang. Ouais, allez, toi, co, assois-toi. Mais alors, vous teniez l'endroit où on s'est installé avec la radio qui s'appelle le Mojo. Oui, ça s'appelait comment? Ça s'appelait comment quand vous le teniez? L'escale. Bar hôtel l'escale. C'est pas pour me flatter, co, mais c'était le plus grand café de Portudi qui marchait. Moi, je l'ouvrais à 6h du matin jusqu'à 2h du soir. Jamais eu de bagarre. Moi, j'avais pas peur des gens. C'était familial, les gens venaient. Il y a qui vient. Je suis l'amiral Kérard. Enchanté de te connaître, co. Moi, je suis l'admiral... dis-moi dans le café. De l'escale. De l'escale. Oh là, 81 ans, je vais perdre mon sperrette bientôt. Et alors, ah oui, mais qui me dit, moi je suis un vrai admiral, il me fait voir sa carte et tout, il venait avec son bateau. Vous nous avez dit que vous alliez plus trop à Portudi aujourd'hui. Non, non. La mentalité n'est plus la même. C'est pas du tout comme gentil. Nous, on sautait sur le client, on le mettait, tu sais, à l'aise et tout. Alors, comment c'est déjà le chef de la gendarmerie venait? Écoute, co, hein, je t'interdis de sortir de derrière ton bord, hein, ne va pas sur ta terrasse, parce que les touristes qui vont monter, là, ils vont faire un embouteillage. Ben oui, parce qu'ils me criaient tout. Salut, co, on arrive! Mets les glaçons frais, le temps de vider nos valises et on arrive! Et comment vous qui êtes né ici, comment vous trouvez l'île aujourd'hui? Alors, oui, mais il faudrait pas encore que tu tables sur ce que je vais te dire, parce que moi, j'ai tellement été dans la foule des gens par mon métier, tu comprends? J'aimais le contact des gens. J'aimais bavarder avec eux, tout, leur dire, ben, où tu veux aller à la plage, co? Ben, je leur indiquais où il y avait une belle plage, où il y avait du sable. Et pourquoi vous avez arrêté, alors? Pourquoi est-ce que vous avez quitté le bar de l'escale? J'ai pris ma retraite, co, mais t'es pas fou, non? J'allais pas passer ma vie quand même là, non? Oh non, non. A entendu ici parler breton, parfois à des gens même qui vous comprenaient pas. Vous êtes nombreux ici à parler breton? Non, malheureusement, bon, c'est ce malheureux dire, le breton a disparu sur Rouen. Ça, c'est fini, c'est terminé. C'est une constatation, quoi. Hein. Combien de personnes à Groix qui parlent le breton aujourd'hui? Maintenant, c'est malheureux dire, on n'est plus qu'à deux, Jo et moi. Mais on n'est pas tout à l'heure des britophones, donc on n'a pas appris de naissance, on s'est intéressé. Comment ça. Vous avez appris? Comment dire? Moi, je me suis senti un petit peu, pas, je ne vais pas dire pas obligé, c'est pas le mot, mais je dis, tiens, on entend énormément de mots bretons dans le français, ici, à Groix, et ce qui est vrai. Même des jeunes, par exemple, de ton âge, diront des mots bretons comme ça quand ils s'expriment. Alors, moi, j'avais commencé au départ à faire un peu un travail de collecte de mots. J'avais demandé à mon père, mon père me dit, bah, écoute, moi, je le comprends. Je ne saurais pas bien m'exprimer, mais bon, il n'avait pas été réticent. Et elle dit, mais comment tu veux se prendre ça? Parce qu'il y avait toujours comme le côté un peu tabou de ça, quoi. Et pourtant, j'ai eu un petit peu avec la politique jacobine française, où tout ça, on a toujours foutu ça de côté. Et puis, ben, travaillant au musée, un beau jour, hop, là, je tombe sur un ouvrage, grammaire structurale du breton de l'île de Groix, fait par un Allemand. Donc, tout un bouquin écrit en phonétique, traduit en français. Un travail remarquable de ce monsieur. Mais moi, je me suis servi de ça pour apprendre le breton. En traduisant, comprendre la phonétique là-dessus. Par exemple, je prenais un mot écrit en phonétique, je disais à mon père, tiens, comment tu dis tel et tel mot en breton? Ben, il me disait, comme ça. Donc, je regardais, donc je décortiquais, ça c'est un son A, ça c'est un tche, ça c'est un tche, ça c'est un dje, c'est un ha, c'est un ha, c'est un dje. Et donc, j'ai fait lettre par lettre. Mais j'ai eu la chance de connaître une dame qui était née en 1900. Mais quand j'allais la voir, je ne savais pas le parler. Et j'allais voir cette dame-là, je passais l'après-midi là, à discuter, mais elle me disait toujours, ah ben, des semaines, je suis là, je suis mais ne la rien, je travaille, ben, assieds-toi, viens ici, mais je te dirai rien en français. Alors je passais des fois 2 heures, 3 heures là, chez elle, où elle me parlait uniquement en breton. Alors je prenais des notes, comme je pouvais, comme ça. Puis après, je montrais ça à mon père à la maison, ben, elle t'a dit ça, tout ça, voilà. Et puis c'est après, à force de travailler dessus, mais en travaillant beaucoup grâce au livre d'Elmar Ternes, là, qui, où il y avait quand même la grammaire, la prononciation exacte, quoi. Mais alors de quoi elle vous parlait, cette dame qui vous parlait toute seule pendant 3 heures? Ah ben de tout, hein, mais c'était, il faut dire que les femmes autrefois ici, ce qu'ils faisaient, c'était quoi? C'était surtout le travail de la terre, hein, les hommes étant en mer. Donc c'était des discussions qui partaient un petit peu à droite et à gauche, hein. Moi, j'essayais de dire une phrase ou 2 phrases en breton, un peu pour frimer, comme ça, tout en n'étant pas sûr que j'avais une bonne prononciation. Et le jour où j'ai pu un petit peu être à l'aise, à le parler, à l'aise, à dire des phrases avec une prononciation pas trop mal, bon, malheureusement, cette femme-là, elle arrivait à la fin de ses jours, quoi. Et c'est toujours, c'est un petit peu un souvenir. Je me souviens, elle était. Je lui avais dit, est-ce que je peux vous enregistrer? Elle m'avait dit non. Je dis, ouais, yaou. Elle m'a dit, ouais, non, mais je vois que tu viens un peu chercher mes dernières paroles. Et ça m'avait fait drôle. Et justement, le parler d'ici, après Joe, après vous, qui est-ce qui va s'en souvenir? Eh bien, écoute, il y a quand même ce livre. Voilà. Il y aura des gens qui vont faire. Il y a plein d'enregistrements. Il y a plein de choses. Et tout ça, ça sera pour. C'est dans un but de garder, quoi. Moi, j'ai des archives à la maison. Des archives. C'est plus des brouillons qui sont tout mélangés, qui sont pas très classés. Parce qu'on se retrouve souvent à être seul à faire un travail comme ça, quoi. Et puis, des fois, tu peux être un peu découragé, quoi. Bon, toujours est-il que, voilà, maintenant, c'est l'avenir qui le dira. Mais le breton de Groix, bon, il fera peut-être plus partie des archives qu'autre chose. Mais bon, ce qu'il faut espérer, c'est que la langue bretonne en elle-même, elle reste toujours vivante, quoi. Qu'est-ce que soit le. Ouais. Un jour, des années après avoir découvert ce livre, avoir appris avec ce livre, cet homme-là, il est venu ici. Oui, il est venu 50 ans après. Il avait quel âge? Il a 77 ans. Il est arrivé par le bateau et vous étiez là à l'attendre. Ah ouais, quand je lui ai serré une poignée de main, comme Joe, comme les autres, bon, c'était quelque chose qui était. C'était chaud, hein. Vous lui avez dit bonjour ou vous lui avez dit en breton? Je ne sais pas si je lui ai dit un mot en breton au départ. Je ne sais pas. Je suis incapable de te dire. Il y avait tellement d'émotions que je suis incapable de dire si je me suis exprimé en breton dès le premier contact ou que j'ai eu en français. Puis après, par contre, on a eu l'occasion de parler en breton, quoi. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est quand il est arrivé en mairie, quand il s'est présenté. Donc le maire l'a présenté en disant bah, qui il était, nanana, monsieur machin, nanana, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Oui. Et puis après, il a dit, je ne suis plus le jeune homme de 1966-67. Il avait pris son bouquin et il avait commencé à lire un texte comme ça. Il dit, j'espère ne pas avoir, oublié la prononciation exacte comme ça. Et il avait lu un truc là, j'entendais quelqu'un de Groix parler, quoi. J'entendais un ancien parler. Quoi. Donc on voyait qu'il avait fait un travail, je dirais, remarquable. Joanny, Urban and Grace, et all no. Aguelane, oh le nom. Le zogoné, et crézerbou, et broano. Le zadoua, yaldidadeu. Pour martelot, bébétendès, tu as dit clos, pur nom, déniglodé. Bam d'aï bam nons, arreur moublou. Le zadoua, yalidadeu, j'tlis jour de bédel. Oui, bonjour. Alors, je vous appelle pour un renseignement. Voilà, j'ai enterré du papier qui a donc, on va dire, l'équivalent de 120 feuillets A4 dans la terre. Donc, ce papier est resté 40 jours sous terre. Je l'ai déterré. Et donc, là, j'ai une sorte de papier en voie de décomposition entouré par une croûte de terre. Et j'aimerais le conserver. Enfin, c'est pour ça que je vous appelle, pour savoir si vous auriez des conseils de méthode de conservation. Là, non, parce que j'aurais bien dit de la résine. Mais la résine, ça va boire. En fait, c'est pour eux. Ce que vous avez, en fait, c'est pour eux. Donc moi, j'ai peur que ça... faudrait utiliser peut-être des sprays, de vernis. Ah, excusez-moi, je vous rends tout de suite. Hein. Radio Café, un documentaire d'Amélie Perrault et Adrien Chevrier, réalisé par Gaël Gillon. Prise de son, Benjamin Chauvin. Mixage, Benjamin Vignal. Merci à Jacques et Maxime Moi. À Véronique Lapouge et Maxime Le Fur. À José Caloc. Cédric Chauveau. Mathieu Fargeau. Roland et Stéphanie Fonson. Michel Kerzao. Maude Leborgne. Gilbert Nexer. Loïc Noiret. Samuel Poisson-Quinton, Sébastien Rode, Didier Rivalin, Faustine Sego. Et merci à tous les Groisillons qui ont participé à cette émission. Allô ? Oui, allô. Oui, oui. Moi, excusez-moi. Non, parce qu'en fait, nos produits sont tous liquides, de base. Ouais. Donc, quand j'allais les mettre, je suis quasiment sûr, ça va absorber, quoi. Bon, ben. Désolé, ben, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir, vous aussi, au revoir. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à l'île de Bas, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne à Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, Vieur dans les terres de l'Allier. Mais en attendant, restez à l'écoute.